des votes moiries. Pour qu'un Zeus n'ait point épris, ni à batailler à soi-trait, ni blessé, ni fait prisonnier dans ta maison. Bénis-vous des beaux épreuves, la tira et calagra, et pouché qu'à Il s'agissait des 3 mai enregistrés par Christophe Toussaint, mais qui remonte à cette tradition. Je l'ai mis en indicatif ce soir, en cette tradition de mai, car c'est la première émission du mois de mai, vendredi 4 mai. Et ces 3 mai viennent successivement de Dommartin, les Remiremont, en majeur, Saussure, sur Moselotte, en mineur, Ramonsan, à nouveau majeur, et ont été recueillis par le chanoine Ingres au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. En fait, c'était des traditions qui, tout en étant christianisées, voilà, étaient quand même bien empreintes de culte de la végétation éternelle, de ces vieilles traditions remontant au temps païen, au temps celtique, au temps antique. Et il s'agissait notamment, pendant cette nuit du mois de mai, d'aller chercher des arbres dans la forêt, des branches d'arbres, et le matin, les filles trouvaient devant leur fenêtre des branches de diverses espèces qui disaient un peu le langage des arbres, c'était les arbres aux filles. Alors ça, c'était effectivement le côté galant qui était très très fort au mois de mai. Alors, cette tradition, je crois qu'elle a perduré un petit peu. Plutôt à la fête de Dieu, jusqu'à la fête de Dieu, on transposait un petit peu dans les Vosges, jusque peut-être à la guerre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on a connu ça. Et là, eh bien, on va en reparler de cette tradition parce qu'elle s'est réactivée, et on va parler ce soir du mois de mai, dans tout ce qu'il est, donc du 1er mai, de ce temps de mai, à travers plusieurs événements qui vont être le début de cette émission. Ces événements sont la nuit des sorcières qui s'est déroulée le 30 avril, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, au Ballon d'Alsace. Ensuite, ce sera bien le 1er mai tel qu'il est célébré à Bussan chaque année par la municipalité, ce qui est un cas exceptionnel. Puis la fête de la solidarité qui chaque année s'effectue le 1er mai à l'espace Lac à Gérardmer. Alors ça, ce sera les trois événements. Et puis après, je vous emmènerai à un concert qui a été donné au Gailuron, un des derniers concerts malheureusement, puisque le Gailuron va fermer le 12 mai. Belle fête, soyez-y. Il y aura peut-être plus de place pour tout le monde, mais justement, ça sera très bien. Et là, à ce moment-là, on célébrera le Gailuron qui continue de notre façon, puisque la utopie va continuer, mais on en parlera. On a donné, il y a la semaine précédente, un concert avec Brigitte et ses amis, c'est en fait c'est Sylvie Leguet, et qui a amené tous ses amis, dont les gens du Printemps de la Chanson, dont on reparlera, puisque le Printemps bis se déroule le 18 mai, lui, à Lot-la-Grange, donc c'est une autre reprise. Alors voilà, donc... tout cela qui va se dérouler là. Et je vais donc commencer par cette chose très particulière, très étrange, qui s'est déroulée au Ballon d'Alsace. On va déjà rencontrer les sorcières de la nuit. Alors ça se déroulait, je vais préciser quand même, ça se déroulait le long du flanc le plus escarpé, enfin un des plus escarpés, du ballon, depuis le chalet du Bédelen. Bon, le propos était celui-ci. Lors de la nuit du 30 avril au 1er mai, était célébrée dans toute l'Europe, depuis des temps reculés, une fête païenne dite Valpurgis, malgré les interdits et les excommunications. Elle est identifiée au sabbat des sorcières, Hexennacht, qui se produisait par exemple au Brocken en Allemagne, ou bien au Batzberg, en Alsace. Symbole de la fin de l'hiver, cette nuit est associée aux processions de sorcières et sorciers cherchant à rester dans l'ombre et aux plantations de l'arbre de mai, signe du renouveau. Alors, effectivement, vous allez entendre là un chant de ces sorcières. Après, je vous expliquerai un petit peu tout cela. Toutes ces œuvres d'art qui étaient répandues sur le flanc du ballon, ont monté dans la nuit, une nuit belle, sauf à un moment donné où la pluie est arrivée, justement au moment où les sorcières ont chanté, elles ont fait arriver la pluie. Et déjà, voilà, on va voir ces sorcières qui chantent un chant étrange, un chant du 1er mai occitan, parce qu'en fait, cette tradition du 1er mai se répandait, était répandue dans toutes les régions, hein. Même si notre région était particulièrement forte à ce sujet. Nous approchons des sorcières là, autour de l'arbre du hêtre. Elles dansent et autour de grandes étoffes, de grands rubans phosphorescents. Elles dansent avec ces rubans qui entourent l'arbre. Sotto, se lo farai, vendendo solo. Là, les sorcières vont entourer le hêtre avec ses rubans et vont le tresser en quelque sorte. Ce qu'elles ont fait dans la nuit plusieurs fois, en se répandant en divers points du ballon, du flanc est du ballon, flanc abrupt, je vous le dis, 400 mètres de dénivelé, donc il a fallu grimper. Bon, mais en prenant son temps, c'est faisable. Il y a encore un peu de neige sur la corniche au sommet. Et ça glisse un petit peu, il faut faire attention parfois, surtout la nuit, mais c'est une belle aventure. Et elles sont disparues, elles sont allées emmailloter d'autres arbres. Mais tout le long de ce parcours, il y avait 25 réalisations de ces jeunes. Alors je précise, moi j'avais été mis en relation avec eux par Charles Calt, qu'on va entendre, et Didier Kiffer, qui sont des profs de l'école des Beaux-Arts de Mulhouse et Strasbourg, les hautes écoles des arts du Rhin, plus exactement. Et ils ont coutume chaque année de faire un workshop, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire du land art, qu'on appelle aussi, des œuvres éphémères dans la nature. Alors tout à l'heure, on va écouter Charles Calt qui fait allusion aussi à d'autres moments où il a été au Frankenthal, par exemple, les années d'avant. Et là, ils avaient choisi le ballon d'Alsace. Initialement, ils voulaient faire des feux au moment où nous on fait nos feux, au solstice. En plus, nous on les fait. Le prochain c'est le 8 juillet, je dis déjà. Et eux ils voulaient couvrir tout le ballon de feu, ce qui est aussi une symbolique de Belen, Belenos. Puis ils se sont. Bon, ils ont eu des problèmes d'autorisation, je crois. Ce qui fait bien, ça nous aurait permis de faire les feux avec eux. Et ils ont décidé de transposer cette chose-là au 1er mai. Qui a une relation aussi avec le thème de Belen Belenos, puisque on dit que le grand ballon, lui, était en quelque sorte le lieu où le soleil se levait, quand on le voit depuis le ballon d'Alsace, voilà, le 1er mai. Et c'est le grand ballon lors de la fête celtique de la Belle Taine, fête de Bal, Belle. Alors, je ne vais pas répondre je vais pas reprendre cette thématique. Je l'ai déjà fait ou je le ferai une autre fois. Là, en l'occurrence, Charles Calt et Didier Kiffer m'ont demandé de travailler sur les traditions de mai, un petit peu partout en Alsace, en Franche-Comté, en Lorraine, mais aussi un peu partout dans ce qu'on peut savoir, puisqu'en fait, les traditions sont assez universelles et répandues un peu partout. Et là, c'est un symbole très important, ce moment-là, du printemps qui arrive, de l'hiver qui finit, et aussi avec cette incitation des filles, l'arbre aux filles, une incitation au renouveau, bien sûr, de la nature, de la sexualité, avec, dans les temps les plus anciens, si on prend ce que dit Mircea Eliade, eh bien, des véritables incitations à des sortes d'orgies, mais d'orgies rituelles, dans lesquelles les éléments masculins et féminins représentent en quelque sorte la terre et le ciel, le soleil et la terre qui s'unifient. En fait, ces coutumes du 1er mai, c'est pour ça qu'elles ont parfois été qualifiées de sorcellerie et ont donné lieu d'ailleurs sans doute à des, dans des temps de répression, à des cérémonies païennes, de sorcières, eh bien, ça a été quand même condamné par l'Église. Alors là, et pourchassé. Mais il y a longtemps que ça, ça n'est pas reparu dans nos régions, je le disais. Peut-être après, il y a longtemps que ça a disparu, je veux dire, dans nos régions. Peut-être quand même, la fête Dieu le reprenait il y a environ 50 ans, un peu plus, quoi, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait des œuvres un peu tout le long. Je ne vous les décris pas là. On trouvait aussi un petit peu la hutte de sudation, le chaudron au lichen, pour entamer l'ascension de la nuit de Valpurgis. Purifiez-vous contre le lichen, ramassé sur votre chemin. Il y avait les astérismes, plaques de verre sablées, qui en fait annonçaient avec des thèmes lumineux la nuit. Eh bien, toutes les idées mises en jeu dans cette nuit. Il y avait une crêpe, une grande poêle plutôt, en forme de soleil, où on faisait les crêpes. La porte du soleil par laquelle on passait, où on montait. Il y avait une étrange cabane, genre isba. Il y avait aussi... à mi-chemin, un encouragement par Charles Kalt, la pose liqueur, une création excellente de la distillerie Hagmeyer de Balbronn bien sûr. Et puis, il y avait une escarpolette lumineuse dans la forêt, la danse d'un arbre dans la forêt. Et puis Didier Kiffer avait, lui, créé un faisceau lumineux sur Jeanne d'Arc même. C'était le seul point qui était sur le ballon même. Un feu était prévu, mais... n'a pas pu avoir lieu. Il faisait très froid. Enfin, il y avait un vent terrible sur le ballon le 30 avril. Et là, dans ce groupe de filles qu'on a entendu, avait célébré le être, mais avec le langage de chaque essence d'arbre. Bois de être, je te hais en certaines régions. Hein, en certaines régions. Et voilà, elle disait, la veille de mai, les garçons sont sortis dans la forêt. Ce matin, devant nos portes, des branches déposées, voilà ce qu'elle chantait. Et elle faisait allusion aussi au bois de noisetier, je t'ai oublié, au bois de sapin, vieille putain, au bois de sureau, bonne ménagère, au bois de tilleul, je te veux. Et bois de hêtre, je vous disais, je te hais, mais pas toujours, parce que c'est parfois un sens inverse. Ça dépend des régions. Voilà, donc en tout cas, une réalisation, et on va un petit peu maintenant écouter Charles Kalt le matin, parce qu'après après cette nuit folle et forte, eh bien tout le monde se retrouvait au lever du soleil. En fait, il ne s'est pas levé tout de suite, mais enfin se retrouver autour d'un bon café. Pour, dans la joie de c'était ce qu'on appelait le vernissage. Mais bon, le vernissage, en fait, on s'est verni la veille. Et le moindre n'a pas été cette montée fabuleuse du ballon, dont je me rappellerai toujours, parce que c'est pas tous les jours qu'on monte 400 mètres en 2h30, on va dire, mais on s'est beaucoup arrêté. On a écouté notamment les sorcières. Alors voici maintenant Charles Kalt. Alors il parle un peu d'autre chose, je l'ai pris au vol au moment du café, mais ça vous donnera une idée de ce qu'il a à dire. Voilà, Charles Kalt. Les Vosges, à peu près du col des Bagenelles, à Forup. D'accord. Et Forup, t'as un énorme cirque comme ça de verdure, parce que c'est des pâturages, hein. Et c'est un cirque naturel, et on s'est dit, on va faire de grandes empreintes dans la neige. On voulait faire des dessins, ah ouais. Tu vois, dans la neige. C'était l'hiver, alors. Et donc on y allait une première fois en novembre, fin novembre, pendant le moment hors limite de l'école, et là on s'attendait pas à voir de la neige, et il y avait de la neige. Et on a fait des prototypes, on a fait un grand cercle de, je sais pas, de 300 mètres de diamètre, hein, Tu vois, un truc mais magnifique, parfait. Hein. Et là, il faut de la technique. Ouais, il faut de la technique. Alors, je vous explique après comment on fait. Avec une guenac, le point avec une corde. Et, non, non, pas du tout. Moi, j'étais là de ce côté, tu vois, avec une grille sur un chevalet, avec un pointeur, un portable. Et je leur disais, bon, allez-y, légèrement à droite, continuez, légèrement à gauche, continuez, c'est bon et tout. Il restait dans la grille que moi je voyais, tu vois. Donc dans le cercle que moi je voyais. Et donc on avait prévu des trucs magnifiques. Et ensuite, c'est l'école et donc t'as les calendriers de l'école et tu peux pas faire vraiment comme tu veux et partir quand tu veux, à n'importe quel moment avec les étudiants et tout. Et on avait repris début mars et on pensait avoir de la neige. Et on est arrivé, la semaine d'avant il y avait de la neige, la semaine d'après il y avait de la neige, mais le moment qu'on y allait il n'y avait plus de neige. Mais alors ce qui était génial, c'est que les paysans du coin avaient déversé tout le lisier. Ah ouais. Et c'était bourré de lisier, quand on est arrivé ça puait mais bien. Ah bah yon. Et on est resté. Et on a fait quelque chose. On a patogé dans le lisier, ouais. Ah yon. Voilà, il y a même un mec du public qui est venu en ski faire du ski sur le lisier. Il a créé une nouvelle discipline, ski sur le lisier. Étienne. Il y a quelques années, j'avais été contacté par un groupe de Fribourg, Fribourg en Allemagne. Bonjour. Mystische Felsen. Ouais. C'était des randonnées mystiques dans les Vosges. Et alors, ils avaient fait un groupe. Il m'avait invité un peu au moment du solstice, sur la Vierge, près de la Vierge. Ouais. Alors il y avait un groupe avec des crânes en cristal et des bougies, puis ils méditaient. Il y avait un autre groupe sur le Belchen, de l'autre côté, mais ici c'était surtout des femmes. Ouais. Sur le Belchen, surtout des hommes. Ouais. Enfin, j'ai pas été, mais c'était des hommes. Ouais. Et sur le Belchen 6, qui est au-dessus de Prébal, dans le Jura suisse, qui est. Là, il y avait les deux. Alors, j'ai fait voir sur le Belchen 6, après, il y avait des traces de bougies, rouges et bleues, je crois, hommes et femmes. Ok. Ouais, super. C'est à la base. Ah, justement, je suis en train de me demander si je vais pas faire un truc, tu sais, il y a beaucoup d'inquiétudes sur tout, tu vois. Et le prochain workshop, ça va être autour du végétal, mais j'ai une idée pour un suivant qui va être autour du côté sectaire. Tu vois. Et je vais faire croire à notre direction que je déraille et que je monte une secte avec des jeunes. Alors là, je reprends Charles Kalt qui s'amuse un petit peu avec ses projets là. Il a toujours des idées très audacieuses. Et effectivement, la montée du ballon en pleine nuit, il fallait quand même une bonne frontale, des bonnes chaussures et du courage. C'était pas la moindre gageure. C'est vrai que c'était pas grand public quand même. Il y avait beaucoup de monde, il y avait pas mal de monde invité, mais ça ne se prêtait pas à une promenade tout à fait familiale. Je continue avec Charles Kalt. Si tu regardes sur le net et que tu regardes sur néopaganisme, tout le monde fait du néopaganisme. Les New Age machin américain, tu vois, les féministes, je sais pas trop quoi. Enfin, tout le monde fait du néopagan, tout le monde. C'est un tel mélange. Tout le monde mélange tout. Donc, de toute façon, alors autant mélanger encore plus. Oui. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Oui, bien mélangé. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on est à la fois dans le modernisme le plus total. Là, oui. Et les traditions. Et en même temps, des traditions très lointaines. Et puis, très, très, très inventives. Tu vois, par exemple. Il n'y a pas de lourdeur de quoi que ce soit. Là, tu vois, la pièce que j'ai faite, Liertmansch, tu vois. Oui, Liertmansch m'a cessé. Avant, on utilisait d'autres techniques, mais c'était exactement la même chose, tu vois. C'était les mêmes trucs. C'est un personnage, c'est légende. Tu l'as inventé ou c'est non, c'est et puis on est tout à fait, tu vois, on est en même temps dans le truc vidéo, tu vois, dans l'imagerie virtuelle, enfin les salades qu'on se raconte, tu vois, sur ce qui nous attend, et puis en même temps. T'es dans les gens qui avant se couvraient de feuilles et qui allaient faire peur aux gens, c'est la même chose. Ouais. Dans le fond, c'est la même chose. Puis qui se trimbalaient avec des torches, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. À part que là, on est dans un événement spécifique avec une invitation, c'est très particulier. Moi, j'aurais préféré au départ vraiment qu'on erre dans les villages là en bas. Ah oui. J'étais parti pour ça, tu vois. Oui, c'est vrai que. Ouais. Bah, tu vois, il y a du monde là. Ah, ça y est, les gens arrivent. Et là, on a titré notre workshop néo païen. Oui, oui. Mais on a fait un workshop, c'est d'ailleurs là qu'ils nous ont repéré les gens du parc des Ballons des Vosges. On a fait un workshop dans la vallée du Frankenthal. Ah oui. Dans la forêt, la dernière forêt primaire, oui, avec tu vois, la grotte d'Agobert. Avec la grotte du roi d'Agobert. Ah oui. Et le workshop s'appelait Néo. Néo. Néo. Et c'est une grotte mais minable. Hein. Elle fait, je sais pas moi, elle fait 7 mètres de long, 2,50 mètres, 3 mètres de haut par, et 4 mètres de large. Ah, oui. Elle suinte la flotte et tout. Ah. Et c'était une vanne au début. J'ai dit à mes étudiants, tiens, on pourrait faire une expo là-dedans. Bon, ils ont dit top là. Donc on l'a fait. Et c'était magnifique. Ça, c'était état de grâce, tu vois. Ah, oui. Ça aurait été bien que ce soit. Vous avez pas. Ce workshop néo, il y a deux ans, là, c'était. C'était un chef-d'œuvre. Pendant 5 jours, il pleuvait hein, avant, parce qu'on avait plus de jours pour monter, on avait beaucoup de boulot. Les étudiants, enfin peut-être pas 5, je crois que c'était 4, les étudiants, ils travaillaient sous la pluie, désespérés, ils se disaient ça marchera pas, tu vois. Ouais. Et symboliquement, on avait choisi le jour de l'ascension. Ah oui, d'accord. Pour faire venir les gens. Et le jour de l'ascension, soleil, ciel bleu. Les gens qui venaient de partout, tu vois, et on a eu un monde fou. Oui, mais c'était, pas le... c'était en plein jour, et c'était sur un chemin de randonnée où il y a un monde fou qui passe, ouais. Comme il faisait beau, il y avait un monde fou, et les gens ils sont arrivés, ils comprenaient rien. Ils arrivent, on avait une coulée de glace comme ça, tu sais, de neige là. Là-dedans, il y avait un étudiant, Alexandre Marpeau, qui nous avait taillé un bar. Donc il avait taillé à plat un bar, on avait mis des carottes et des radis et puis des bouteilles de crémant. Il y avait 30 bouteilles de crémant et il nous avait fait des bouteilles de crémant prestige, hein, la cave du roi d'Agobert. 36 euros la bouteille. Ils avaient mis le paquet. C'était génial. Ça c'était... En parlant de grotte, tu n'avais pas repéré l'entrée de mine du baie de l'Aisne? Non, c'est sous le ballon. Ouais. Même. Je ne sais pas exactement où. Ouais. Moi, je connaissais qu'en descendant le ballon, il y a une entrée de mine qu'on appelle. D'ailleurs, c'était la mine du Bédelen. Ouais. Mais c'est sous le sommet, quoi. C'est pas loin du sommet. Et l'année d'avant encore, donc il y a maintenant 3 ans, hein, ou 4 ans, je ne sais plus. Tu vois. On a fait un workshop qui s'appelle « No Future », mais entre le « no » et « futur », on avait mis entre parenthèses un « W ». Et on a eu la chance d'avoir avec nous un garde forestier, mais un garde forestier qui a une philosophie biodynamiste, donc vraiment un radical, tu vois, un type, et qui connaît hyper bien la forêt, et donc on avait fait ça aussi au Frankenthal, et on avait pris comme un chalet qui se situait entre une forêt cultivée, on peut dire ce qu'il disait du maïs, tu vois, et de l'autre côté la forêt primaire. Voilà. Et on s'est baladé là-dedans avec les étudiants. C'était Ah voilà les photos du Jeanne d'Arc. Ah, c'est ça la Jeanne d'Arc, la fameuse. Ah oui, Jeanne d'Arc. Ouais. Ah, on l'a bien loupé nous, hein. Oui, moi aussi. Oui, c'est magnifique. Jeanne d'Arc. Le casque là. Donc vas-y, explique. Elle avait bien, sur les oreilles. Ah, un casque audio? Bah, c'est bien. Non, un casque anti-bruit. Ah, anti-bruit, ok. Un casque fausse luminescent anti-bruit. Elle a été changée parce que jusqu'à je ne sais pas quelle époque, elle était tournée vers l'Alsace. Là, elle est tournée de l'autre côté. Avec le groupe. Là, ah, ouais, elle était. J'ai laissé volontairement le groupe. Il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie. C'est Frédéric Potcher qui me l'a raconté. J'avais fait un bouquin avec lui sur le cas de Bussan. Celle du début. Et paraît-il qu'en 1909, cette statue a été faite en expiation d'un crime, enfin, Napoléon Marshall, qui était patron à Saussure-sur-Moselotte, le textile, non, aurait battu un ouvrier à coup de canne. Le casque, on le voit bien. Hein. Ouais. Et l'aurait tué. Il n'y a pas besoin d'éteindre. Et alors, le curé aurait dit, vous êtes un peu énervé, monsieur Marchal, mais bon, il faut réparer. Et alors, il aurait fait cette statue, mais ça ne m'a pas été confirmé. C'est Frédéric Potcher qui me l'avait raconté. D'accord. Mais bon, depuis, il n'a pas voulu que je le publie, avec ça. Avec la brume, c'est d'accord. Ah, tu vois, t'as la lune, pas sûr, hein, ouais. Parce que moi, j'ai pas réussi à la prendre. Et, si, lui, il en était sûr. Mais il voulait pas attendre que ça. Et puis, à la Société d'Histoire Locale de Remiremont, mais non, c'est pas possible, que Napoléon Marchal, qui est une idole des textiles, si je peux dire, des patrons textiles, et fait ça. Ah, ça serait, ça serait au mythe. Tu devines, ah, tu vois bien le casque. Puis à la Société d'Histoire Locale de Remiremont, ils étaient très travaillés sur le textile. C'est plus anecdotique. Ils honoraient tous les patrons du textile, dont Napoléon Marchal. Donc il était, il était à rue, sur Moselle. Je crois. Mais du coup, vous documentez comment tout ça, c'est, vous faites, vous collectez les anecdotes? Ah ben moi, j'étais Frédéric Potcher parce que j'ai connu, parce que j'ai fait un bouquin avec lui sur l'histoire du cas du peuple. C'était compliqué à prendre. Et il est mort en 2001, Frédéric Potcher. Il était aussi historien, non? Non, il était surtout conteur. D'accord. Il était surtout, enfin conteur, grande gueule. Non, mais Frédéric Potcher, c'était le journalisme, c'était... les grands procès, hein. Ah, ok. Eh bien, on le voit des fois à la télé encore, Frédéric. Vous connaissez pas? Alors, ah bon? Ni de nom, ah bon, Frédéric de, Potcher. Vous connaissez pas Frédéric Potcher? Toi, tu connais, toi, bien sûr, Violette. Frédéric Potcher, c'était un des plus grands chroniqueurs judiciaires, un des virés de 68 avec Dumayet, des gros, tout ça. Ils ont été partis des punis de l'ORTF. Non, ils ont été virés de l'ORTF parce qu'ils avaient pris parti pour les événements de 68. C'est une grande gueule. On le voit, on l'entend parfois dans les grands procès. Procès Barbie, procès Dominici, etc. Tu vois, ça, c'est dingue. J'ai l'impression qu'il traitait tous les grands procès. Et il était, mais il habitait pas. Enfin, il était à la radio, quoi. C'était une des grandes voix de la radio originelle de l'ORTF. On voit la planche qui ex-ORTF. Ah, c'est bien. Et donc ça, du coup, c'était une source d'information. Ah bah oui, il m'a raconté ta histoire. Voilà. Ah ouais, il les a mis par écrit, voilà. Et il a fait des bouquins, donc, du coup, sur... C'est moi qui ai fait un bouquin. Enfin, lui, il a fait, le procès Pétain. L'environnement, tu vois. Le procès Pétain, c'est lui qui l'a fait. Dans le folklore, dans le folklore. Ah non, le folklore, non. Vous, par contre, vous faites ça? Moi, oui. Un peu le folklore, Moi, je mettais. Il y avait les DNA qui sortent, les trucs, les DNA saison, c'était sur les sorcières, là, cette fois-ci. Ils avaient parlé d'un petit bouquin, le bouclier spirituel, le Geschlicht, ça vous parle, ça? Non. C'est un tout petit livre qui. Ouais. De 10 cm de 5, qui pour l'activer, il fallait le mettre sous la nappe dans les hôtels, que tous les la légende veut que toutes les communes du Sungo elles aient un exemplaire. Ah bon? Je ne connaissais pas cette histoire, oui, vous l'apprenez. Je vous encourage à acheter DNA saison, c'est parce que c'est tous les 6 mois, sur les sorcières. Il y a un article énorme dessus, et ce bouquin-là, il est incroyable. Il y avait une conférence à Münster jeudi dernier, j'ai pas pu y aller. De Gérard Lézère, qui est un ami, qui est lui alsacien, qui travaille sur la légende, le folklore. Il y a des gens qui étaient là, parce qu'ils veulent savoir ça. C'est a priori un bouquin, on peut pas mourir, on ne l'a pas donné. Mais c'est un bouquin comment? Tout petit, il est en 3 parties, il a été fait pour tenir dans la main. Et vous l'appuyez? Oui. Alors, je ne sais pas prononcer en français, c'est le bouclier spirituel. Geschlicht Schleid, enfin, je ne sais pas. Ah ouais. Et tant que vous ne mourrez pas, tant que vous ne le donnez pas, vous ne pouvez pas mourir. Et le Geschlicht, soit il est fait pour faire le bien, soit pour faire le mal. Mais quand vous le donnez à quelqu'un, il doit accepter le truc. Et c'est et en fait, ça regroupe. Ça ouvre par la première partie de l'évangile de Saint Jean. Ah bon ? Il y a une deuxième partie, je ne sais plus ce que c'est. La troisième partie, c'est toutes, je veux dire, entre guillemets, les recettes de grand-mère contre la sorcellerie, tout ça, quoi. Ah, c'est passionnant, je ne savais pas du tout. Et... Mais c'est encore une fois qu'on en parle. Ah mais les DNA, j'essaierai de les trouver. DNA, enfin, côté vosgien, on ne les trouve pas trop, mais... Il y en a combien? Je crois que c'est... Ou je les commanderai. Ah mais c'est perdu. La légende voulait que chaque village du Sungo en ait un. Et pour l'activer, pour activer son pouvoir, il fallait le glisser sous la nappe de l'hôtel à l'insu du curé. Et ça fait que les curés, au bout d'un moment, ils passaient systématiquement la main par-dessus la nappe pour voir l'épaisseur du bouquin. Et du coup, ce que faisaient les gens pour ne pas se faire avoir, ils arrachaient la première page. C'est pour ça qu'il manque toujours les premières pages des Geschlich. Ils mettaient juste la première page, ils attendaient que la messe soit passée, et récupéraient la première page, parce que le curé, il passait la main. Ah, oui, il sentait pas l'épaisseur de la page. Avec les évangiles, quoi. Du coup, ils étaient couverts. Ah, ouais, non, ouais. Ah ouais, enfin, moi j'ai découvert ça. Vous êtes monsieur, excusez-moi. Studer. Ouais, non, ah. Ouais, Studer. Studer. Ouais. Vous êtes. Rien du tout, moi. Ouais, j'ai quelqu'un. Vous êtes pas rien. Non, mais, vous êtes pas au parc. Non, ben, connaissance de Violaine, donc du parc. Studer, oui. Ah. D'accord. Et puis, si un jour je vais vous retrouver un jour. Ben voilà. Non, parce que c'est intéressant, on m'a appris un truc là. Ah ouais. Ah ben, j'étais sûr que vous alliez m'apprendre des trucs dessus. Ben, coup, moi je peux vous en apprendre aussi, mais j'avais même porté hier. Si j'aurais pu en apprendre. Alors je vous ai là à la radio, la soirée que j'ai fait avec les étudiants pour préparer cette nuit des sorcières, je l'avais fait en novembre, dans le chalet du Bédelaine justement. Bédelaine, on ne sait pas trop le sens, je ne sais pas si ça a un rapport avec Bélène. Le Bédelaine est en tout cas un gouffre qui est sous le flanc est du ballon d'Alsace. Bon, une sorte de gouffre, la preuve, on l'a remonté. Enfin, c'est très pentu, les parapentistes aiment bien ce coin-là, d'ailleurs, parce qu'on s'envole tout de suite. Et donc, voilà, ben je remonterai cette discussion que j'ai eue. Bon, c'est une longue discussion, mais avec des tas d'exemples pris un peu partout. Mais on va juste rester dans cet esprit, cette évocation du mai. Tiens, je vais vous repasser quelque chose que je passais chaque année, chaque fois, chaque mois, quand je faisais des émissions avec le brave Michel Grassler, qui je souhaite bonne santé. Il est tombé l'autre jour. Bon. Il a arrêté les émissions depuis une année. Et comme c'était des émissions historiques, le vendredi, eh ben moi je passais chaque fois un moment et d'archéologie et de tradition. Et je passais un disque une année en Lorraine. Et là je vais vous ai retrouvé un petit bout sur le mois de mai. Voilà, en Lorraine. La pluie de mai fait pousser les enfants. Nous avons laissé passer avril et mai entrer. Je ne puis tenir mon cœur de joie à aller. Et tant d'aller est devenu, et tant d'aller ainsi chanter. Au trimazo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. En revenant de par ces champs, nous avons vu les blés si grands, et les épis en abondant, les aubépines fleurissant. Au trimazo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. Jeune fille à marier, faites-nous la charité, et nous prierons Dieu de grand cœur qu'il vous envoie un serviteur. Au trimazo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. Catherine, ô belle fille, lorsque vous couchez votre enfant, mettez-lui les pieds devant, la tête à côté de Saint-Jean. Au trimazo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. Ah madame, vous le savez, nous ne venons qu'une fois l'année. Prenez votre bourse et regardez ce que vous avez à nous donner. Au trimazo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. En vous remerciant, madame, de vos bienfaits et de vos dons, ce n'est pas pour nous que nous prions, c'est pour la Vierge et son enfant. Au trimazo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. Madame Collignon nous avait appris un couplet pour les récalcitrants qui ne voulaient rien donner à Jolny, en patois. Puisque veulent les reines donner, je souhaite tant aux autant d'offants qui n'épirotent à vos les champs, ni pain, ni chat pour les mûrir, ni chemache, ni tôle pour les couvrir. Au trimazo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. Alors en français, puisque vous ne voulez rien nous donner, nous vous souhaitons autant d'enfants qu'il y a de pierres dans vos champs. Ni pain, ni viande pour les nourrir, ni mise, ni toile pour les couvrir. Boule de coton, que fais-tu là? Voilà, ça c'est une boule de coton, c'est intéressant, on reverra une autre fois. Voilà, c'était les trimazos, c'était des jeunes filles, par trois trimazos et trois filles de mai, qui allaient queuter aussi au moment du mois de mai, qui faisaient la quête. Alors là, c'est une version qui est plus christianisée, puisque c'est au nom de la Vierge Marie qui elle-même, le mois de mai, le mois de Marie, mais en fait, ça, c'est une variante de c'est une excroissance de la déesse Flore ou Maya. On va encore finir là-dessus par un mai de Comtois que chante encore notre ami Christophe. Il s'agit en fait d'un traditionnel comtois, mais la suite c'est Pass Please No Voice, manuscrit flamand instrumental de 1743. Voilà. Voilà, et maintenant je vais vous emmener à Bussan le 1er mai. Alors le 1er mai à Bussan, c'est spécial depuis 1936, je crois. La commune de Bussan célèbre le 1er mai, car Bussan passait un peu pour une commune rouge à l'époque, en tout cas. Et cette tradition, en tout cas, a failli disparaître suivant les municipalités, et ça a été maintenu grâce notamment à Jacques Gutcharles, Jacques Parmentier, qui ne cache pas ses opinions, qui est un des rouges de Bussan, qui maintenant commence à avoir un certain âge, mais qui est toujours. Il fait toujours son discours du 1er mai. Alors, mon petit problème, je vais voir ce que ça donne, c'est qu'au début, bien sûr, ce n'est pas une manifestation comme il y en a à Paris, bon, bien sûr, non, mais ni ailleurs. C'est une manifestation officielle de la commune de Busson, avec le maire, drapeau tricolore, hommage au monument aux morts, fanfare et tout. Donc je vous ai mis un petit bout de fanfare quand même pour au moment des couleurs. Et après, on écoutera Jacou. Seulement, j'avais réglé mon magnéto pour le son de la fanfare. Et alors, j'espère que le son de la voix de Jacou et du maire sera suffisamment audible. Après, on entendra un petit bout du concert de l'harmonie annuel qui a été donné à cette occasion-là. Voilà. Eh bien, on va essayer de voir ce que ça donne. La fanfare, vous l'entendrez en tout cas, c'est sûr. Puis le discours, ben, je monterai au max. On va voir. De manipulation. Voilà, on y est. Après, on va à la mairie. Et je l'en remercie. Donc, Jacou, je te laisse la parole. Écoutez le poste. Bien, le 1er mai 2018. Mes chers camarades, ce 1er mai à Paris, le cortège sera organisé par la CGT, FO, FSU, Solidaire et l'UNF. Il partira de la place de la République à 14h30. Le PCF, NPA, Ensemble, Génération, il y en a, ELV, Gauche, Démocratie et Démocratie Sociale, République et Socialisme, PGDF et Nouvelle Dôme, rejoint par des parlementaires, France Insoumise, s'unissent pour protester aussi contre la politique soi-disant réformiste du gouvernement qui en réalité appauvrit de plus en plus la classe ouvrière et rend les riches toujours plus riches. Depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, 75% de Français jugent la France moins égalitaire et 72% moins juste. C'est un sondage BVA, ça. Les emplois précaires ont augmenté de 100 000 en un an, ils sont désormais plus de 720 000. Chez PSA, 21 000 emplois ont été supprimés ces 5 dernières années, malgré 100 millions d'aides annuelles et de près de 5 milliards de bénéfices. À l'entreprise de sécurité, Bodyguard, Evry, 430 salariés sont mis sur le carreau par un simple coup de téléphone envoyé sur le portail. C'est ça la liberté de licencier. En 1950, 65% de toutes les marchandises étaient transportées par le rail. Le fret était excédentaire et payait pour les petites lignes de voyageurs qui étaient déficitaires. En 1985, il n'y a plus que 29% de fret à la SNCF. En 2015, il n'en reste que 16,6%. De 1980 à 2015, 15% du réseau ferroviaire a été abandonné. Parallèlement, le transport global de marchandises a augmenté de 68% entre 1996 et 2015. Un trait de fret équivaut à 55 poids lourds de 32 tonnes. Et il émet 3,5 fois moins de CO que ses 55 poids lourds. La case du fret ferroviaire a lancé 1 800 000 camions de plus chaque année sur les routes de France. Elle n'a pas créé beaucoup d'emplois, vu que l'immense majorité des transporteurs bat pavillon étranger. Les gares de triage ferment les unes après les autres. 260 suppressions étaient préconisées en 2005. Les projets des grands ports marchands sont repoussés aux calendes grecques. Par exemple, le port du Havre, qui est un des ports qui transporte le plus de conteneurs, 2 millions de conteneurs par an. N'est relié à aucune voie dédiée au fret. Voilà une cause du déficit. De 2013 à 2015, les entreprises ont bénéficié de 45 milliards d'euros de CICE versés par l'État. Ces entreprises ont créé ou sauvé 220 000 emplois. 220 000 euros. C'est la somme exorbitante par emploi que représentent ces cadeaux aux entreprises. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Hein. $115 milliards d'euros versés en aides diverses aux entreprises, soit une perte sèche pour l'État, équivalent à 28,5% de ses recettes. La réforme Macron coûtera 300 euros par an à un retraité percevant 1200 euros par mois et rapportera 2700 euros par an à un retraité cadre supérieur percevant 6000 euros par mois. C'est ça l'égalité. 22 000, c'est le nombre de communes qui voient leur dotation baisser en 2018. 58% en moyenne, selon un décompte de l'Association des maires de France. Avant de vous quitter, je vous demanderai de méditer sur ces paroles écrites sur une pancarte brandie par un Socrate en herbe. Quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Merci de m'avoir écouté. Merci Jaco. Merci, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, il y a Vincent qui vient là tous les ans pour fêter le 1er mai, mais aussi pour enregistrer. Le discours de Jaco. Le discours de Jaco. Après, il fera un bouquin, peut-être qu'il y aura un bouquin. Ah ben, il faudra, oui. Pour faire l'histoire du 1er mai à Bussan, parce que l'histoire du 1er mai remonte au 19e siècle aux États-Unis. C'est les premières grèves, premier mai aux États-Unis. Ça s'est d'ailleurs soldé dans un bête. Absolument. Il y a eu le 1er mai, il y a eu 200 000 ouvriers qui ont obtenu de travailler 8 heures par jour. Et il y en avait 340 000 à côté qui n'ont pas obtenu ça de leur patron. Donc ils ont manifesté pendant 3 jours. Et le troisième jour, c'était à Chicago, je crois, il y a eu 3 ou 9 morts, je ne sais plus. Il y a eu des morts à Chicago, la police a tiré donc dans la foule, et ça a été le départ du défilé qui a traversé l'Atlantique, qui sont venus en France et en Europe, afin de pouvoir demander la même chose, à 8 heures de travail par jour maximum, etc. Et en France aussi, il y a eu des morts, à Fourmies, je crois, il y a eu 9 morts là. Oui. Donc voilà, et c'est un peu... Certains d'entre vous peut-être se posent la question pourquoi vos monuments aux morts déposaient une gerbe, mais c'est aussi parce que dans les luttes ouvrières, il y a eu des morts. Donc ce n'est que justice. Donc Bussan maintient sa tradition, le 1er mai sera fêté, tant qu'on peut le faire, tant que la municipalité voudra bien le faire. Je pense que c'est assez rare en France. Voilà, donc merci à Annie qui est là, pratiquement en complet. Merci à vous. Merci aussi à la clique, on va dire, hein, aux percussions et aux trompettes qui nous ont suivi au monument aux morts. Et puis, voilà, maintenant on va pouvoir vous écouter dans votre concert du 1er mai. Merci. Là, un petit bout du concert. Donc l'harmonie Saint-Maurice-Bussan, voilà, qui a été créée il y a très longtemps, au moment des usines Potcher, au début, à la fin du 19e siècle. Alors maintenant, on va aller à la fête de la solidarité à Gérardmer. Il faut que je retrouve mon enregistrement là, de l'accordéon qui va venir. Là. Alors la fête de la solidarité à Gérardmer, c'est une fête... Alors je parle, voilà, accordéon, ça y est. C'est une fête annuelle hein, qui se déroule à l'Espace Lac. C'est l'ami Eric Defranou, qui je pense en est un des principaux organisateurs, puis d'autres amis qu'on connaît. Alors, il y avait une conférence sur les migrants, qui était très intéressante. Je pense que François, qui était là, François, les émissions du lundi et du vendredi, en alternance avec moi, vous en passera des bons extraits, ou moi-même, sans doute, ce soir, je n'ai pas l'espace, mais l'espace lac, si je peux dire, mais je vais vous faire écouter un accordéoniste que j'ai découvert là, qui assurait toute la soirée, là. C'est un accordéoniste remarquable, je sais qu'il joue aussi parfois avec les remarquables Keith Ribot, des fameux groupes déjantés de Gérardmer, et c'est Monsieur Ginesto, je crois c'est Ginesto. Alors j'ai découvert, en tout cas on va écouter, j'aurais pu tout vous passer, mais c'était dans l'ambiance, il jouait pendant que les gens parlaient, festoyaient, buvaient. Là je me suis approché de lui à un moment donné pour un peu mieux l'enregistrer, parce que ça me plaisait ce qu'il faisait. J'ai envie de le faire venir à des fêtes. S'il peut se déplacer de si loin de Gérardmer, ouais, il ne va pas très loin d'habitude, il dit. Voilà. Oui, c'est parti. pour la radio. Ça, c'est le modèle qu'on appelle rustique parce qu'il est en merisier massif. Ça, c'est du bronze, du vieux bronze martelé. Les boutons, c'est de la corne de cerf. Et ça fait 50 ans qu'ils font toujours le même. Alors, on peut l'avoir avec d'autres. Le modèle de base, c'est l'inox, c'est des boutons en plastique. Mais puis, il y a une sonorité qui est faite pour jouer la musique de là-bas, du Tyrol. C'est un peu le musette de là-bas. Par contre, tu n'as aucune mécanique. Ah bah, jouons-nous une tyrolienne. Bah voilà, je vais vous jouer, c'est Unsere Tanta Mitzi. Chez Tanta Mitzi, c'est un petit bistrot au Tyrol. C'est une vieille qui tient ça, alors ça veut dire notre Tanta Mitzi. Bon, ça joue, ça doit jouer en face. Fais gaffe parce que lui, il va t'embaucher à Busson. Ah oui, on va l'embaucher à Busson. Et c'est une chenelle pour le cas. Vas-y. Oh, ça me rappelle quelque chose quand j'allais aux noisettes. oui, bah ça tu peux. Dit-il, ma fille est content, il y a des portes. J'ai les roues de l'enfer, ils sont pendus au plafond. Et puis il y a le chant des Basques aussi. Ça s'appelle le Sirtaki Basque. Au départ, c'était le chant du club de rugby d'Aviron Bayonnais. Après, c'est devenu le chant qu'ils chantent tous quand ils font des fêtes, tu sais, à Bayonne et compagnie. Et même les Catalans chantent ça maintenant. T'as déjà entendu ça? La deuxième partie. Quand ils chantent ça à mille, c'est impressionnant. Autre. Alors, la petite dernière. La dernière. Daniel Ginesto, je crois que je ne me suis pas trompé. En tout cas, on retrouvera. On essaiera de le faire venir dans nos vallées ici. Voilà. Eh ben, il est temps donc maintenant de passer à la dernière partie et la plus conséquente en qualité et en quantité, j'allais dire, en volume. C'est donc, la soirée Brigitte dont je vais vous parler. Mais avant, je vais quand même faire un petit clin d'œil à deux séquences slam. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, on fait à partir de la semaine prochaine. Je ne pense pas à partir d'aujourd'hui, puisque ça aurait été fait. À partir du 11 mai, après l'émission de Lou, et avant donc l'émission du vendredi soir, l'émission de Lou, c'est de 18 à 19h. Et on a décidé de lancer une action slam sur mai et juin qui se terminera par un lien. Déjà, moi j'avais pensé à un CD, mais il paraît que les CD ça se fait plus beaucoup. Ma foi, je ne savais pas si ça se fait, mais c'est pas tellement le coup des jeunes. Alors on mettra déjà un lien, on fera déjà une émission qui, normalement, devrait passer sur, outre Guémozo, bien sûr, va passer sur les deux radios amies, des ballons du coin, deux radios du coin, des ballons et Résonance FM, mais aussi toutes les radios de la coordination des radios vosgiennes. Alors, notamment Radio Bellevue, là-bas, Cocktail FM, il me semble, vers Senon, les coins-là, parce que et vers Bruyères aussi, on a beaucoup de jeunes de Bruyères qui font du slam. Bon, moi je vais aller les enregistrer d'ailleurs lundi. Puis j'ai fait des ateliers slam à Contrexéville. Alors là, c'est un peu différent. Pour des raisons bêtement scolaires, on n'a pas fait signer la dérogation aux parents pour avoir le droit de diffuser le nom des élèves. Mais bon, on mettra des numéros, puisqu'il y aura un prix du public. Alors, on va diffuser, des textes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui envoient quand même des enregistrements. Alors, ceux-là, on pourra les diffuser. D'autres qui ont eu une centaine de slams qui ont été affichés. Et donc là, on les a recueillis. Et Michael, Stéphane, Lou, Dominique et moi, notamment. Et oui, c'est ça, j'ai cité tout le monde, là, à peu près. Nous les enregistrons et on les passera avec nos voix. Alors, un petit essai de ce que j'ai fait, moi, hier, sur deux slams. Tiens, on va voir ce que ça donne, si c'est audible. Ben, je vous le livre tel quel. Hein. Slam numéro 1. Slam numéro 1, troisième prise. Devant ma feuille, je faisais mon deuil, assis dans mon fauteuil. J'ai plus les pieds sur terre, je suis à côté de la mer. J'ai pris 20 ans de plus depuis que je suis dans l'autobus. J'ai le droit à deux routes parallèles, pas comme les hirondelles. Pourtant, je reste dans ma cachette à fumer des cigarettes. Mon vertige est présent, un peu comme tous les ans. Depuis que t'es parti, ma vie, elle est finie. Depuis que t'es parti, j'écris des poésies. Encore une prise, allez. Devant ma feuille, je faisais mon deuil. Assis dans mon fauteuil, j'ai plus les pieds sur terre. Je suis à côté de la mer, j'ai pris 20 ans de plus. Depuis que je suis dans l'autobus, que j'ai le droit à deux routes parallèles. Pas comme les hirondelles, pourtant je reste dans ma cachette à fumer mes cigarettes. Mon vertige est présent, un peu comme tous les ans. Depuis que t'es parti, ma vie, elle est finie. Depuis que t'es parti, j'écris des poésies. Un élève de quatrième. Bon, je ne sais pas si le lecteur a bien rendu les choses. Mais on fait ce qu'on peut. On va essayer le slam numéro 6. Slam numéro 6. L'oiseau, c'est la flamme qui se rallume. Et les pieds sur terre, c'est sauver le monde. Parfois je fonce, parfois je freine. Quand je suis un funambule, c'est que je me sens bien. Quand l'eau est dans les flammes, c'est l'amour qui retient. Quand je te vois, c'est la joie qui vient me sauter aux yeux. Mais quand tu n'es pas là, c'est la tristesse qui vient me claquer. Depuis que tu es parti, ma vie n'est plus la même. Ma vie n'est pas très faite d'or. Voilà, bon, le lecteur, en l'occurrence, a essayé de faire ce qu'on appelle le flou, hein, le flow, hein, pour rendre le rythme et pour faire vivre ses textes. Ma foi, y est-il arrivé? Je ne sais pas, et je ne sais pas ce qu'ont fait les autres, ils sont amusés comme ça, mais on est obligé, il vaudrait mieux quand même que ce soit les jeunes eux-mêmes, mais comme je vous dis, c'est un problème d'autorisation parentale. L'éducation nationale, ça reste l'éducation nationale. 50 ans après 68. Voilà, c'est comme ça. Mais on diffusera, on a beaucoup de slams. Donc cette émission, en principe, on aura assez de matière à partir du 11 mai pour faire une émission hebdomadaire. Bon, de durée à déterminer, mais comme les autres radios ont des formats plus... Moi, il n'y a qu'ici qui a des grandes séquences. Bon, les autres radios ont des formats, mettons, 20 minutes, maxi, à la radio des ballons. Donc on fera peut-être 20 minutes pour diffuser cette émission et ainsi et la proposer aussi aux autres radios, sachant que sur la plaine, là-bas, à Vittel, vu que Magnum ne nous suit pas du tout, et pas du tout dans le coup avec nous, ça c'est sûr, il n'y a que Radio Cristal qui, ma foi, c'est une radio un petit peu... orienté spirituellement, si je peux dire, mais qui, je pense, jouera le jeu puisqu'elle fait partie de la coordination des radios vosgiennes. Et maintenant, allons au concert Brigitte. Alors, le concert Brigitte. Brigitte et ses cacahuètes, ainsi qu'elle les appelle. Brigitte, en fait, c'est Sylvie. Sylvie Leguet, que j'ai rencontré au Printemps de la Chanson, avec qui on chantait. Je vous ai diffusé il y a quelque temps le Printemps de la Chanson de rue, qui était remarquable. le énième chanson, c'est peut-être le dixième, on ne m'en rappelle plus. Et il se trouve que le 18 mai, on va le refaire, ce concert du printemps bis, ce sera le printemps bis, avec, bon, pas tout à fait les mêmes musiciens, on aura un batteur en plus, mais on gardera notre ancien batteur, il peut venir, Manu, j'espère, et un violoniste peut-être en plus à la place de Jean-Claude Dusson, qui est par Mons et par Vache, et par Vaux, pardon. Et donc, ça enlèvera deux, trois prestations, comme par exemple le poème sur la septième que je faisais sur un texte très rarissime, très peu connu de Johnny Hallyday. Bon, ben ça, on le refera une autre fois avec Jean-Claude, parce qu'il faut avoir le violoniste en question. Et en tout cas, on se retrouvera une bonne partie de ce que vous allez entendre, mais pas tous, c'est pas tout à fait les mêmes, qui se sont trouvés autour de Brigitte. Alors Brigitte, Sylvie s'appelle Brigitte quand elle est artiste. Elles sont d'ailleurs merveilleusement bien, une très belle voix. Et ça, c'était au Gueluron. Et pourquoi le Gueluron, j'insiste, parce que c'est vraiment la mauvaise actualité. Le Gueluron va s'arrêter. On va s'arrêter le 18 mai. Non, le 12 mai, pardon. C'est la dernière du Gueluron. Alors nous, on a fait une soirée, Sylvie, une soirée au Gueluron qui a été très sympa et que je vais vous faire écouter. Et que l'ami Jean-Claude Vorgy, qui était un des chanteurs aussi, a remis en forme, ce qui donne une meilleure forme que quand moi je le fais. Comme la dernière fois, il avait travaillé ce qui est passé à la radio. Et je pense que vos oreilles y auront gagné. Hein. Donc voilà, le concert Brigitte. Alors, je n'ai pas la durée exacte là, il m'a envoyé une... Mais de toute façon, on ne compte pas, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, une dernière soirée du Gueluron. J'en profite pour dire deux, trois choses quand même. Je reviens à ce que je disais, parce que je regardais mes messageries en même temps, parce qu'on m'a annoncé une soirée là tout à l'heure, un après-midi plutôt dimanche, à Cornimont, dimanche pas toi, tiens, voilà, je vais quand même le dire. C'est aussi la suite, parce que c'est la suite de la Utopie. La Utopie se délocalise un peu à Cornimont, la Utopie c'était l'association autour du Gueluron. Celui-ci s'arrête, hélas, mais la Utopie continue. Et je sais que dimanche à 15h, il y aura une rencontre patois à Cornimont, à la Pranzière. Alors voilà, c'est une rencontre patois et goûter. C'est quoi? C'est goûter, qu'on me dit, oui. Premier goûter patois, oui. À la place de. Il se passait avant au Gueluron. Donc, le Gueluron continue en esprit, hélas, plus en réalité. Je pense aussi, et ça je vous l'annonce déjà, Étienne Géin fait venir Yann Vanek à Trousemont chez Francis Cuny le 27 mai, à ne pas louper aussi. Alors là, il va falloir aussi retenir, parce que au milieu des sculptures de Francis, c'est formidable, mais il n'y a pas une place infinie. Et donc, Yann Vanek, c'est ce guitariste fabuleux que vous connaissez sans doute. Et voilà, alors là, il va falloir aussi... s'arracher et se je tousse et se presser pour avoir des places, voilà. Donc bon, je parle, mais la soirée Brigitte, ben il faut que je vous la diffuse. Là voilà, c'est parti. Ouvrir avec Audacieux, oui c'est Audacieux, soyons audacieux, hors du bleu, voilà. C'est parti pour le... J'avais coupé le micro, alors souvent moi je m'entendais, mais pas vous. J'avais coupé le micro pour déjà lancer Brigitte. Alors on va écouter Brigitte, et comme je vous disais, et vous redisez, le 18 mai à Léo Lagrange, printemps bis, avec pas mal de ces chanteurs que vous allez entendre, Vorgy, Jean-Claude Vorgy, François Fété, Michael... GSR, un peu moi, par accident, là, je n'avais pas prévu. Et puis bien sûr, Sylvie. Sur la route, Je le fond de mes pas. Le matin, on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. Et quand les phares étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. Je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner du picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous vous demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Où cela tient un peu de lettres, le jour, je baise, tout simplement. Bravo. T'es beau, t'es beau parce que t'es con. T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes en paix. Les mots qui traînent au coin de mes yeux, c'est qui m'attire. Thank you. Merci Brigitte. Et puis, juste souhaiter un bon anniversaire à ma petite fille, Oran. Il y a 7 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Oran. À Jaco. Elle froid dans son frère Louise. alors laissée aux domestiques, elle rejoignait près des barrières. Voudras-tu, moi qui sais quoi, signer mon nom et lui porter comme sa tête sur la route, passer son bras la promener. Et l'amour qui tenait Louise, c'est le monde qui le tenait. Elle regarde sur Louise, c'est le monde qui l'éclairait. Ils sont parétiques, parétiques. Elle est là, qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. Elle regarde, qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre par une aiguille. Côté. Si je vous garde mis en plein, c'est en cuisine là devant moi. Ma fille prie très fort pour que s'efface ce que le curé m'a pris là. C'était en France, dans un village de l'année. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancée. Elle devait paraître à Louise, le monde qui l'a portée. Elle a vie qu'à travailler Louise. Trompé de séquence et en fait c'était la dernière et je vais vous mettre la première. Bon, il faut vous dire que j'ai reçu tout ça par WeTransfer et j'ai seulement pu le récupérer tout à l'heure, donc ben voilà, mais c'était aussi bien de commencer par la fin. Et bien, on va commencer maintenant. Parce qu'il doit être la première. Oui, ça doit être ça. Voilà, maintenant c'est ça. Eh bien, on va commencer par vraiment la première. Et ça, c'était la dernière. Avec tous les rappels, avec Louise, là, une belle chanson qu'elle a refaite en rappel. Brigitte, enfin, Sylvie. Oui, ben écoutez, donc, on va reprendre. On a le temps, et juste le temps pour tout passer. Oui, d'ici minuit, ça ira. Allez, Allez, ne parle plus et passe la suite. Voilà. Donc, première partie, au Gueluron, il y a 15 jours déjà, voilà. Voilà, voilà. Allez. Bon, du coup, je ne l'ai pas mis au début, je vais le remettre. Ce serait peut-être mieux. On reprend. Voilà. Jusqu'au bout de nos rêves, jusqu'au bout de nos vies, pour être dans la folie, on ira jusqu'au bout de nos rêves, jusqu'au bout de nos vies, on être dans la folie. Je trouve les gens bien. cadets pleurent tout le temps quand ils envient la vie de leurs voisins et se lamentent et dirent pour rien. Comme-moi la vie de ton voisin, te laisse parfois seul toi. Si envie de ta vie c'est faire une fête, alors on va s'en faire. Dans quel drap de la nuit avez-vous fait naufrage? Je n'ai plus pour jouer que votre image. Est-ce vous qui chantez en courant dans la fièvre? Est-ce vous qui dansez quand le soleil se lève? C'est juste quelques mots posés sur trois accords et quelque chose en moi qui aboie et qui mord pour vous dire que je vous aime si fort. Pas bien qu'avant vous, j'étais mort. Si j'ai eu le temps d'accoster à vos drames en goûtant les fruits de vos frissons, sans doute ignorez-vous ô combien, madame, ces instants inondent ma chanson. Mon horizon n'est plus que votre ombre qui danse et le temps ne mesure que votre absence. Est-ce vous qui chantez en courant dans ma fièvre? Est-ce vous qui dansez quand le soleil se lève? C'est juste quelques mots posés sur trois accords et quelque chose en moi qui aboie et qui mord pour vous dire que je vous aime si fort, que je crois bien qu'avant vous j'étais mort. Et mes yeux et mes lèvres et mes mains qui ont connu les douceurs de vos sentiers intimes, sans vous pas dû chercher ce paradis perdu où le plaisir le dispute au sublime. Où vais-je donc trouver un radeau, une source, une folie pour soutenir ma couvre? Si vous ne chantez plus en courant dans ma fièvre, si vous ne dansez plus quand le soleil se lève, c'était juste quelques mots posés sur trois accords et quelque chose en moi qui aboie et qui mord pour vous dire que je vous aime si fort, que je crois bien qu'avant vous j'étais mort. Pour vous dire que je vous aime si fort, que je crois bien qu'avant de voir sur le trottoir une fille qui attend et attend tous les soirs que les hommes s'amènent. Sans même gentillesse, elle avait pour sa peine, refusant la tendresse, ça fait grincer les dents de voir ses têtes pâles, fardées plus que des cendres. cacher leur morale et de voir que les mâles n'en prennent pas ombrage, n'importe que leur rage aux fleurs fanées du mal. Ça fait grincer des dents de voir sur le trottoir un mouflet de 6 ans qui pleure sans un mouchoir parce qu'il a perdu une pièce de 20 sous. Pour lui c'était bien plus qu'un bonbon qu'un joujou. Ça fait grincer les dents de voir ce gosse pâle mâchuré et mouvant qu'on muscule, qu'on dissale, et de voir qu'on lui crie qu'il bouche le passage, et de voir qu'on rit disant qu'il n'est pas sage. Ça fait grincer les dents de voir sur le trottoir un clochard qui attend et attend, se laisse choir, mal rasé, mal fringué, qui tend la main en vain avec l'air hébété que peut donner le vin. Ça fait grincer les dents de savoir que cet homme était il y a 20 ans un amoureux, un homme, mais il a tant souffert qu'on lui tue femme et gosse, qu'il trouve à la misère m'attendant la force. Ça fait pleurer d'amour de voir la fille des rues embrasser le mouflet, retrouver ses 20 sous, lui dire des mots gentils, repeigner ses cheveux, et avec son mouchoir, essuyer ses grands yeux. Ça fait pleurer d'amour de voir le gosse ému s'en aller et siffler, et donner ses 20 sous au clochard qui sourit, des larmes dans les yeux, se dire un au revoir et se quitter heureux. Mais je suis bien embarrassé, même juste comme ça, un baiser. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort. Ma joue et ma pudeur en prend un coup, c'est fou, mais le pense surtout. Que parfois on ferme les yeux, j'y vois des petits vaisseaux bleus qui où les naviguent sans cesse, gonflés d'amour et de tendresse. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, franchirai cet océan qui va de la nuit à la mort. Il fait très chaud depuis une heure, mais elle a gardé son manteau de peur que je lui vole la peau. Quel monde est redoutable, car parfois la mouche est capable de faire frissonner rien plus. Cela, elle ne s'en souvient plus. Amour, amitié, je ne sais pas si c'est par dépit ou par pitié. Je franchirai cet océan qui va de la nuit à la mort. C'est un seul amant, elle ne se souvient pas encore du corps qui se plie et se tord. Si elle a oublié les gestes de cet amour raté du rêve, c'est elle se souvient par ailleurs du coup de couteau dans le cœur. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant, qui va de l'ami à l'amant. La, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il est beau l'homme qui pleure, qu'il est doux. Il est chaud l'homme qui pleure de bon goût. L'homme qui pleure, laissez le faire. L'homme qui pleure, c'est son mystère. L'homme qui pleure n'est pas fou. L'homme qui pleure est en balance, en douleur et en essence. L'homme qui pleure tout à coup. L'homme qui pleure est sans aucune. C'est le père ou c'est la lune. L'homme qui pleure un bon coup. Qu'il est beau, l'homme qui pleure, qu'il est chaud. Qu'il est chaud, l'homme qui pleure devant vous. L'homme qui pleure semble démouille, quand ses cœurs se débarbouillent. L'homme qui pleure, tout son sou. L'homme qui pleure, mouche et trompette, est à coup sur un prophète. L'homme qui pleure, jusqu'au bout. L'homme qui pleure est un oracle, un évangile, un miracle. L'homme qui pleure, beaucoup. Qu'il est beau, l'homme qui pleure, est devant vous. Il est chaud, l'homme qui pleure devant vous. L'homme qui pleure est une atteinte à la pudeur sacro-sainte. L'homme qui pleure est à vous. L'homme qui pleure vous exorcise sa laideur et sa bêtise. L'homme qui pleure, ce n'est nous. L'homme qui pleure est en avance sur son temps, sur ses vacances. L'homme qui est un héros national. L'homme qui pleure, c'est mieux qu'un mal. C'est un bonheur, un scandale. Salvateur, l'homme qui pleure. Qu'il est beau, l'homme qui pleure, qu'il est doux. Qu'il est chaud, l'homme qui pleure devant vous. L'homme qui pleure est vulnérable, l'homme qui pleure est désirable, l'homme qui pleure sans l'amour. L'homme qui pleure à chaud de larmes, comme enfin jette ses armes. L'homme qui pleure veut l'amour. L'homme qui pleure est une offrande, prenez-la, Dieu la lui rende. L'homme qui pleure, c'est l'amour. Il est beau, l'homme qui pleure, il est doux. Il est chaud, l'homme qui pleure de l'amour. Le jeune facteur est mort. Chargé de tous mes mots d'amour, c'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. parti dans le ciel bleu comme un oiseau. Avec lui les derniers mots que je t'avais écrit. Il n'ira plus sur les chemins fleuris de roses et de jasmin mène jusqu'à ta maison. Qui t'apportait mes joies et mes tourments. Hiver a tué le printemps. Tout est fini pour nous deux, ma femme. Dans lequel je m'enfonce, je cherche dans les années toutes mes griffes et de ronces, où ma mémoire errante viendra me rappeler un peu de jolie qui chante, qu'il nous faut essayer. Et je refais le tour des tours de l'enfance, un peu plus loin qu'avant-hier. J'ai le cœur à rebours qui se serre comme les poings de mon frère. La vie s'est destinée lentement sur nos gueules, nous voilà burinés, la peau comme le rafin. De ces mauvaises années qu'on nous avait vendues, comment ne pas louper pour avoir bien vécu. Thank you. que vient perler là au bord de mon œil, le poids de ces années. Franchin, je dois briser les lois de la pudeur. Il m'a bien réchauffé le soleil dans ton cœur. Et je garde un coup toujours des deux poings de la chambre à tes côtés ou tous les rêves. Mon cœur me joue des tours et se sert sur les poings de mon frère. Et je refais le tour au détour de l'enfance, un peu plus loin qu'avant-hier. J'ai le cœur à rebours qui se serre comme les poings de mon frère. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous passer la deuxième partie, puisque la troisième, on l'a faite tout à l'heure au début. Eh bien, on sera dans les temps, pile poil, avant midnight. Voilà la troisième partie du concert Brigitte, et c'est. Bon, cacahuètes, bon, on est des cacahuètes, voilà, on est peut-être des oranges aussi, des, enfin tout ce qu'on veut, voilà. Voilà, ah, c'est parti. Bon, voilà. C'était la première partie, donc je recommence. Je recommence. Et. Ah, bon, non, c'est pas ça. Voilà. Brigitte, reviens, Brigitte. Si j'arrive à la retrouver. Oh, my God. Les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. bout des ponts. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'art fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise merci, et merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Tant pis pour vos fesses. Qu'on fait ce qu'elles ont. Thank you. entre ses mains et mes lèvres pour du grand pain. Roberta a 82 ans. Je ne connais pas ses grands enfants. Je sais qu'ils pouvaient être mes parents. Elle en rigole à quelques dents. Roberta a toujours sa goût. Et on se perd de vue, là, là, là, là. Il a du chant. je pense de quoi te faire du fric. S'envoler en loto, le cul dans une barrique. C'est drôle, mais c'est curieux, c'est bizarre, ça me manque. Son espace en pied bleu, sa gueule de sac à banque. Les souvenirs font des miettes, ça fait 1000 repas. La, la, la, la, que je rajoute une assiette au copain de papa. Thank you. clameur. Une onde un même matin. Tant que mon corps frémira sous tes mains. On ne fait pas la pause puisque c'était la fin. En fait, c'était la deuxième partie que j'ai passée en intervertissant. Bon, en fait, c'était surtout une des dernières soirées du Guéluron avec Brigitte, c'est-à-dire Sylvie. Bonne soirée et à bientôt au Guéluron le 18. Non, le 12, le 12. Le 18, c'est à Léo Lagrange. Voilà, bonne nuit.